communautaire pour que ce soit vraiment un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Face à cette situation, je recommanderais qu'il y ait la multiplication des ateliers de sensibilisation et d'information sur la promotion et le développement du commerce transfrontalier au sein de la communauté est-africaine. Le professeur Artemondo Imana soutient que l'adoption d'un même système éducatif comme prévu dans le protocole de la communauté permettrait la liberté dans la recherche de l'emploi au sein de l'Union. Radio Isanganiro Chronique.